Aimé Toussaint Mitebouzia sur la mise en onde. Nous sommes dimanche 14 octobre 2018. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce dimanche, dont voici d'abord les principales articulations. Une commission d'enquête sur l'assassinat du prince Louis Gwagasore en 1961 vient d'être mise en place. C'est le contenu du communiqué du gouvernement burundais lu ce samedi lors de la commémoration du 57e anniversaire de ce héros de l'indépendance. Vous aurez les détails tout à l'heure. Au sommaire également, c'est le ministre de l'Énergie et Mines qui affirme que certains employés de l'Office burundais des mines et des carrières sont trompés dans la délivrance de faux documents aux coopératives minières. Vous l'entendrez également, et à Lumongue, les habitants de cette province réclament l'aménagement des dépotoirs publics dans le but de préserver l'hygiène dans cette ville. Vous aurez également des détails avec Jean-Pierre Misago, notre correspondant depuis Lumongue. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Une personne a été arrêtée par la police ce samedi à Gihanga, province Bubanza. Elle a été conduite au cachot de la police de Gihanga après son arrestation où elle est détenue jusqu'à présent. Karungu Samson, agent du bureau d'état civil dans cette commune et membre du parti UPRONA, a été arrêté devant les bureaux de la commune en pleine cérémonie du 57e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Gwagasore, selon les membres de sa famille. Il serait victime d'un message retrouvé dans son téléphone qui serait de nature à semer la haine entre les ethnies Hutus et les Tutsis. Page politique à présent, le gouvernement burundais compte mettre sur pied une commission ad hoc qui va enquêter sur l'assassinat du héros de l'indépendance, prince Louis Gwagasore. Dans un communiqué lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement ce samedi, lors de la commémoration du 57e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, Prosper Ntaganguamiye a indiqué que la Belgique est responsable de cet assassinat qui, selon lui, avait commis l'objectif d'étouffer l'indépendance du Burundi. Suivez Prosper Ntaganguamiye, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le prince Louis Gwagasore et ses compagnons de lutte sont morts jeunes. Les ennemis et les détracteurs du Burundi n'ont pas digéré leur défaite et ont sauvagement assassiné le prince. Le Burundi a été meurtri et malmené, mais il est resté serein et s'est fièrement relevé pour clamer sa souveraineté. Son assassinat a été suivi par celui de ses deux enfants innocents. Signe d'une volonté on ne peut plus claire de faire disparaître totalement cette famille et sa progéniture. La postérité ne connaît même pas ce qu'est devenue la veuve du prince. Jusqu'à présent, la lumière n'a pas encore été complètement faite sur ces assassinats. Certes, certains coupables comme Wirori, Nidenderezai Kajorgis ont été jugés, condamnés et exécutés, mais le véritable commanditaire qu'est le royaume de Belgique, puissance coloniale à l'époque qui était farouchement opposée à l'indépendance immédiate du Burundi n'a pas encore rendu des comptes. Le gouvernement de la République du Burundi porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le royaume de Belgique a une grande part de responsabilité dans l'assassinat du prince Louis Gwagasore et de sa famille, ainsi que dans les différentes crises politico-ethniques qui ont endeuillé le pays, puisque c'est lui qui a inoculé le virus des divisions ethniques au Burundi à travers le politique coloniale de diviser pour régner. Jusqu'à ce jour, le royaume de Belgique n'a pas encore désarmé. Le gouvernement du Burundi envisage de mettre sur pied une commission technique ad hoc pour enquêter sur ces assassinats qui ont touché le prince Louis Gwagasore et sa famille, afin que les coupables soient identifiés et que le droit soit lu. Raison pour laquelle le gouvernement du Burundi continue d'encourager la commission Vérité et Réconciliation de tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite et tous les maux qui ont secoué le pays. En outre, le gouvernement de la République du Burundi apprécie le bon travail effectué par le Parlement, qui suit de près les activités de la commission Vérité et Réconciliation et s'engage à mettre en œuvre toutes les recommandations qu'il a formulées pour l'accomplissement des missions de cette commission. Prosper Ntaganguamiye, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement et nous devons cet élément à nos collègues de la radio nationale. Page énergie, à présent, certains des employés de l'Office burundais des mines et des carrières ont délivré de faux documents aux coopératives opérant dans le secteur minier. Les précisions sont du ministre burundais de l'énergie et mines après une rencontre ce vendredi avec les représentants de ces coopératives. Les autorités administratives, policières et judiciaires de la région du sud du Burundi, comme Manirakiza, a souligné que ces employés seront poursuivis et traduits devant la justice. Suivi. Au niveau des coopératives, qui nous disent qu'ils se sont confiés à certains agents de l'Office burundais des mines pour leur donner de l'argent pour les aider à payer surtout les attestations en rapport avec l'impact environnemental. Au lieu de pouvoir payer ces gens-là, une fois eu cet argent, ils ont cherché des faux documents au niveau du ministère en charge de l'environnement. Et ces documents ont été alors utilisés pour qu'au niveau du ministère en charge des mines et des carrières puissent finalement délivrer des autorisations, croyant que ces documents émanant du ministère en charge de l'environnement étaient de documents réels. À ces gens-là, nous avons promis de pouvoir d'abord arrêter les activités de ces coopératives, parce que ce sont des teachers, donc ce sont des coopératives qui opèrent en dehors de la loi, mais aussi traquer ces agents au niveau de l'Office burundais des mines pour qu'ils puissent répondre devant la loi pour l'erreur commise. Comme Emmanuel Akiza, ministre de l'énergie et mines, nous devons cet élément à notre consoeur Mireille Kanyang. La fraude a été combattue en province Makamba, bien que des cas persistent encore. L'affirmation du gouverneur de la province Makamba, Gadeni Okuri, précise qu'en collaboration avec les administratifs ainsi que l'Office burundais des recettes OBR, le nombre de commerçants qui paient les taxes et impôts a augmenté par rapport aux années passées. Suivez-le. Nous observons certains commerçants qui pratiquent la fraude. Mais avec la police, avec l'OBR, nous essayons à faire la sensibilisation dans le but de lutter contre la fraude. Et jusqu'à maintenant, vraiment, nous voyons que nous avons franchi un pas géant parce qu'il reste peu de commerçants qui pratiquent cette fraude. Dans notre province, nous essayons à lutter contre la fraude parce que la fraude n'archit pas beaucoup de personnes. La fraude archit peu de personnes. C'est pourquoi nous avons mis ensemble les efforts pour que nous puissions lutter contre cette mauvaise pratique de certains commerçants qui ne veulent pas donner l'impôt et taxes. Gadeni Okuri, il est gouverneur de la province Makamba, c'est au sud du Burundi. Après une courte pause, on va nous rendre à Gitega pour parler de la santé. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h04, je vous le disais donc tout à l'heure, la représentante des malades mentaux de Gitega demande avec insistance à l'État de les soigner gratuitement, comme c'est le cas pour les maladies dites sociales, telles la lèpre, la tuberculose et le VIH-SIDA. Motif, la plupart des malades mentaux sont caractérisés par une pauvreté précaire et ne peuvent pas faire un travail productif, alors que les médicaments des malades de cette catégorie sont très chers. Malades mentaux pouvant prendre des médicaments de 100 000 francs burundais, voire plus, par mois. Gérard Nibigira, correspondance. Marie-Louise Ndagirimana représente les malades mentaux de Gitega qui se font soigner au centre des soins mentaux de Gitega, un centre qui les suit même lorsqu'ils sont rentrés chez eux. Elle dit que les médicaments qui les soignent sont chers, à tel point qu'un seul malade mental peut prendre des médicaments d'une valeur de 100 000 francs et plus par mois. De surcroît, certains malades mentaux prennent des médicaments toute leur vie. Elle continue en disant qu'en général, les malades mentaux sont démunis et nombreux parmi eux n'ont pas de travail et qui génèrent des revenus. C'est ainsi que leurs familles vendent des bétail et terrains ou alors contractent des crédits lourds afin de pouvoir les faire soigner. Au cas contraire, les malades mentaux se retrouvent dans la rue. Sur ce, Marie-Louise Ndagirimana demande avec insistance à l'État de déclarer la gratuité des soins en faveur des malades mentaux, comme c'est le cas pour des gens qui souffrent des maladies dites sociales, telles que le lépreux, les tuberculeux et les personnes infectées du VIH-SIDA. Et les prix, les familles des malades mentaux, de les amener plutôt au centre des soins mentaux au lieu de les amener aux guérisseurs traditionnels ou de les laisser dans la rue. Et la communauté, elle l'invite à bien les traiter au lieu de les lancer des pierres, de les injurier, de les baptiser des noms dégradants et les frapper. Depuis Gitega, Jean-Yves Guilla pour la radio Sanganiro. Merci Gérard Nibigira, mais on s'excuse pour la mauvaise qualité de cet élément sonore. Quittons Gitega pour aller au sud du pays, c'est à Rumonge, certaines des mesures hygiéniques récemment publiées par la commune Rumonge sont inapplicables dans certaines parcelles. Selon certains habitants de la ville de Rumonge, l'aménagement d'une compostière dans chaque parcelle, notamment qui figure parmi ces mesures, n'est pas de nature à promouvoir l'hygiène. Ils demandent plutôt que des dépotoirs publics soient aménagés. Célestin Nivitanga, administrateur communal de Rumonge, informe qu'un dépotoir provisoire est prévu même s'il n'a pas été publié. Jean-Pierre Misago, correspondance. Selon certains habitants de la ville d'Ormonge interrogés, certaines mesures qualifiées d'hygiéniques n'en sont pas une. Ils donnent l'exemple de l'aménagement des compostières dans les parcelles qui est pratiquement impossible s'ils veulent réellement privilégier l'hygiène au sein des parcelles. Une autre mesure qui crée des remous, c'est la suppression des dépotoirs existants sans en prévoir d'autres avec une menace de sanctions. Les personnes qui se sont exprimés estiment que l'administration communale devrait d'abord les rencontrer et arrêter des mesures sur base des voies de sortie proposées dans la réunion. Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge, reconnaît que l'aménagement des compostières n'est pas possible dans certaines parcelles. Pour ces cas, les concernés devront contacter les chefs collinaires qui leur montreront un dépotoir provisoire. S'agissant des saletés tirées des canalisation des eaux de pluie et qui gêne la circulation routière et surtout avec la tombée de la pluie, l'administrateur communal de Rumonge dit qu'une société privée est à pied d'œuvre tout en déplorant sa lenteur. Célestin Nitanga précise que des sanctions seront infligées à toute personne qui jettera ses crachats en dehors des places qui seront aménagées à cette fin. Une amende de 50 000 francs burundais est prévue à tout récalcitrant depuis début novembre prochain, selon ces mesures administratives. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Actualité internationale, la manifestation en France de plusieurs dizaines de milliers de personnes a eu lieu ce samedi sur la lutte contre le réchauffement climatique. En Côte d'Ivoire, les élections locales des présidents de région ainsi que des maires se sont tenues ce samedi. Et en République démocratique du Congo, le meeting pour l'opposition a été interdit ce samedi dans la province de Katanga. Lubumbashi, on signale de l'autre côté qu'il n'y a pas cet élément international. Mais c'est par ici que nous mettons un point final. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour la mise en nom. Delini Ben Niwigira, je voulais présenter. Je vous souhaite de passer une excellente journée dominicale. Au revoir.